vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Tu marchais v'là 30 secondes, intro. Ah. Tu marchais v'là 30 secondes. Fais-moi pas ça. Ah, là, là. Ah, voilà. Ah. Lundi. Le code aujourd'hui à son œuvre qui. Les chroniques de Valérie Deschamps ainsi que des nouvelles à la Seigneur Couilly. En plus de Thalès Valentin et on célèbre le début du mois d'octobre dans son football à S. Assemblage qui commence tout de suite. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky en ce lundi 3 octobre 2016. On est à 206 jours de la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Vaudin. Est-ce que toi aussi t'as restarté, réinstallé les mises à jour? Ouais, exactement. Je me suis dit que c'était matin. lundi matin. Okay. On va finir par y arriver, Mathieu. On a eu une panne de courant en fin de semaine assez fou dans l'université au complet. Et quand il y a une panne de courant, on n'a pas les équipements nécessaires comme des grandes radios là, pour avoir tout qui run pendant la panne de courant. Donc, il faut repartir à la main les trucs. Dans ce cas-ci, le lundi matin où c'est arrivé la fin de semaine, la console a dû redémarrer, tous les ordinateurs, les Windows, etc. Les Dropbox qui se resynchronisent avec leurs fichiers, etc., etc. C'est pour ça qu'on commence en retard un petit peu et c'est pour ça que l'intro a eu de la misère à jouer au début de l'émission. Mais d'habitude, une fois que c'est commencé, ça va bien. Oui, en temps normal. Donc on devrait pas en reparler trop. Toi, la raison que t'avais de la misère à redémarrer, c'est juste parce que t'as pas dormi hier soir. Ouais, exactement. C'est ça. Pas de détails là-dessus. Ah non, je me suis juste couché tard, j'ai mal dormi. Ben, c'est l'explication de la plupart des gens qui ont de la misère à dormir. Lundi matin, c'est voilà. Ça. Bref, on va parler du plan d'aujourd'hui avant d'accueillir notre première chroniqueuse. On va avoir à 8h une nouvelle personne, un nouveau morceau, un nouveau requin dans l'émission Alassania Kouyi qui va venir nous parler de science. Oui. Tout à l'heure, ça c'est vers les 8h et quelques après notre première chronique. On a aussi nos chroniques maison, la tienne va être là tout à l'heure, Tania is gonna entertain you. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous parler du fait que la technologie d'aujourd'hui peut nous aider avec des choses du passé. Voilà. Ah. Et mon qu'est-ce qui se passe s'appliquait aussi à la face que tu n'arrêtes pas de faire quand tu regardes ton écran d'ordi. Ouais, c'est parce que je suis sur Facebook en même temps, puis il y a des photos vraiment bizarres qui passent le lundi matin, je sais pas pourquoi. On va aussi faire son foutu palmarès vers la fin de l'émission pour parler un petit peu du mois d'octobre, des fêtes à célébrer, des fêtes bizarres. Et là, on parlera pas de la fête du café comme tout le monde en parle. On est un petit peu plus alternatif que ça. Donc, 15 fêtes à célébrer en octobre et 10 fêtes célèbres, donc des anniversaires de personnes à célébrer en octobre. Tout ça vers la fin de l'émission. Mais avant ça, c'est Valérie Deschamps qu'on accueille pour une deuxième fois. Bonjour à toi. Hey, bon matin. Et tu parlais de fête. Je dis ça de même, c'est la mienne. Hey, bon matin. Yeah! Elle commence l'émission, puis direct là, c'est sa fête. C'est vendredi. Qui s'en vient? Ouais. Good! Ouais, mais ça c'était pas le 7, cette affaire-là. Là. Oui. Je sais pas pourquoi on en a parlé. Oui, il y avait un autre événement, le 7, très important, il me semble. Ouais, puis on va s'en parler, justement, de cet événement-là. Génial. On va espérer que le fond arrête de bugger pendant qu'on va se parler ensemble pour ta chronique, parce que quand même, on a quand même un petit bout de temps à passer ensemble. Donc, mais Valérie. Mais c'est correct si c'est le fond qui bug, parce qu'au moins, c'est pas le Facebook à Valérie après sa chronique. Oui, ou encore, c'est pas genre Valérie en tant que telle qui oublie, par exemple, de parler comme Tania au début. Hey, de quoi tu parles? Je vois pas de quoi tu parles. Valérie Deschamps qui vient nous parler ici de politique internationale, pas internationale, excuse-moi, provinciale et fédérale. Il y a tellement de chroniqueurs sur la politique à l'émission, ça se fout. Ça se fait pas. Des fois, je penserais pas en tout cas, mais ça pourrait virer vers l'opinion des fois, mais t'essaies de ne pas virer vers l'opinion. J'ai fait mon plus gros possible. Malgré tes allégeances politiques, il y en a qui sur Internet, t'as juste à dire que tu fais une chronique politique puis tu demandes des biaisés. Il y a des gens qui aiment ça, bâcher sur les gens, puis c'est ce que ça donne. Surtout sur Facebook. Ah, sur Facebook, c'est ça. Mais tu sais, quand t'es à 3 heures de route, c'est plus facile que me lâcher un coup de téléphone. C'est vrai. Ce qui est fun, c'est qu'ils ont jamais écouté la chronique avant de. Et voilà. Donc. Hashtag les gens, comme on dit. Hashtag les gens. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Valérie Deschamps? Écoute, écoute, on en a parlé rapidement. Tantôt, on va se parler de la course du PQ qui prend fin ce vendredi. On va s'en parler rapidement. On va se parler aussi du chum du ministre Laurent Lessard. Ça jase du côté de l'Assemblée nationale, de chicane en santé et d'incohérence du gouvernement d'Ottawa. Je vous parle de tout ça tantôt. Wow, une grosse affaire. Wow. Mais pour l'instant, une petite pièce du palmarès. On s'en va entendre du côté francophone une chanson. Je dirais que... Mon Dropbox est pour ouvert, ça va être de l'autre bord finalement. OK. Je suis en train de me préparer avec une chanson, mais non. On vient avec, avec podcast, c'est ce que j'ai sur le bord ici, qui est comme assez relax pour commencer l'émission aujourd'hui. Ben oui. Donc allons-y avec une pièce d'Avec Podcast sur le palmarès francophone, c'est la pièce Loup-garou, parce que passé 7h30 du matin, nos poils recommencent à pousser parce que la barbe date du soir d'avant. Tu comprends ça? La tienne. La barbe, c'est ça. OK. C'est sûr que commence à pousser vite ma barbe, hein? Ouais, je sais. Des fois, ça doit 3 semaines, puis il n'y a rien, il n'y a même pas de différence. C'est vrai, hein? Ça pousse pas, mon affaire. Je dois être un anti-loup-garou, je pense. Peut-être. Tout est assemblage requis, on va s'en sortir tous ensemble. Loup-garou, sans pleine lune, coureur sans son départ, buveur sans son comptoir. Soir de semaine, oh, oh. Le diable en quarantaine, je viens à toi. Connaîtras-tu? Je gagne à être perdu de temps en temps. Oh, oh, oh, oh. Sans camouflage lent. Sans y croire, je viens à toi. Loup-garou avec podcast à Assemblage requis. On l'a accueilli tantôt, mais accueillons-la officiellement. Voici donc Valérie Deschamps et sa chronique sur la politique fédérale et provinciale qui ne porte pas encore de nom. Ah, il faudrait trouver ça. Il faudrait que les gens nous aident à trouver ça. C'est vrai. Moi, je suis tellement pas originale là-dedans. Alors, moi, je le suis, mais c'est pas toujours bon, hein, Tania? Non, en effet. Et on n'a pas de chanson thème non plus, mais c'est seulement la deuxième chronique. On va y aller quand même tranquillement. On avait, tu disais, quatre sujets à aborder. Ouais. Des sujets qui en ratissent large. Oui, on y va vraiment au niveau politique environnementale, on y va en santé, on y va aussi du côté des investissements, ben, comme du chum du ministre Laurent Lessard, ouais. Là, si vous en avez entendu parler, puis de la course au PQ, on ne peut pas ne pas en parler. Par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer avec les incohérences d'Ottawa ce matin. Ouais, on commence avec un gros sujet. Ça a été approuvé mardi soir, pour vous mettre en contexte. Là. C'est un des plus gros projets d'exportation du Canada, de l'histoire du Canada, pour exporter du gaz naturel. OK? Mm-hmm. On dit que c'est un projet de 36 milliards de dollars. Milliards. Et c'est pour faciliter la mise en marché de production de gaz de schiste. Et ça, ce que ça pourrait occasionner, c'est des millions de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Donc, elle est là l'incohérence dont je veux vous parler ce matin. Parce qu'on dit, la ministre de l'Environnement dit, ça va réduire justement, c'est un beau compromis entre le développement économique et l'environnement. Mais c'est pas ce qu'on dit du côté d'une agence, en fait, d'environnement au Canada, comme quoi, justement, là, ça peut faire beaucoup de pollution. On dit que c'est un projet, c'est le plus important, mais aussi que c'est 6,5 à 8,7 millions de tonnes de gaz à effet de serre à chaque année. Mmh. Le gouvernement canadien qui avait pris l'engagement de, justement, réduire les gaz à effet de serre puis de faire attention à l'environnement, ici, on peut voir que, bon... Finalement, on fait peut-être pas si attention que ça. Et c'est là qu'on dit que ça n'a pas de sens. C'est l'Agence canadienne d'évaluation de l'environnement. Quand même, tu sais, c'est pas un organisme ou un groupe environnemental qui dit ça. C'est une agence canadienne. Donc, ça part du côté de l'Ouest. C'est un projet de l'Ouest. Et on dit que c'est un gazoduc de 6 milliards de dollars qui va être construit par qui? TransCanada. On en entend parler souvent ces temps-ci, TransCanada. Ça va permettre de créer 300 emplois directs permanents. Ça fait beaucoup d'emplois, mais est-ce qu'ici, on peut voir une promesse qui a été respectée de la part d'Ottawa? C'est là l'incohérence qui est un peu spéciale. On se rend compte qu'au final, entre le gouvernement fédéral libéral et le gouvernement conservateur qu'on avait avant, les normes environnementales, finalement, prennent peut-être un peu le bord. Et c'est là que je vous parlais d'incohérence. C'est un peu dommage parce que je pense que beaucoup de personnes, nombreux Québécois qui ont voté pour le Parti libéral s'attendaient à ce que le Parti libéral fasse un peu plus attention à l'environnement. Finalement, bon, on se ramasse avec des projets comme celui-là, avec est-ce qu'on va avoir un pipeline ou non au Québec aussi. C'est un gros sujet ici. Donc, je pense qu'il y a peut-être une petite affaire à regarder du côté du gouvernement libéral canadien. Il y a des communautés autochtones qui s'opposent à ça. Il y a les médecins aussi. Ah. Étonnamment. Ah, ouais. Il y a des médecins qui disent qu'on ne sait pas les effets que ça va avoir la fracturation hydraulique sur la santé humaine. OK. On n'a pas assez... figé là-dedans, on n'a pas creusé assez longtemps pour se dire « ça va Est-ce bien ». Est-ce que c'est un genre de jeu de mots? Bravo. Écoute, comme toi, Mathieu, ça y est, comme toi. On apprend des maîtres, ça a l'air. C'est bon d'avoir des ambitions dans la vie. Donc, ouais, c'est une incohérence d'Ottawa qui est assez spéciale. Je ne sais pas ce qui va se passer. Là, le fait que ça va se faire, oui ou non, ça n'a pas été décidé. Ouais, c'est ça. Oui a été fait du côté du gouvernement. Mais du côté de TransCanada et tout ça, ben, est-ce qu'on le fait, on le fait pas, on le sait pas encore, mais le oui a été donné. Donc, pour ça, on va avoir plus de détails, évidemment, dans les prochains mois. Ça peut prendre un petit peu de temps. Je vous parlais de chicanes en santé. On est habitué d'avoir des chicanes provinciales, fédérales. Là, oui, quand même. Ça date pas d'hier, du côté des transferts en santé. Il y a les premiers ministres canadiens des provinces, en fait, qui veulent rencontrer Justin Trudeau pour lui parler, justement, du transfert en santé. Ici, on l'a vu avec M. Gaétan Barrette. Il est pas content. Il est pas content parce qu'on prévoit seulement une augmentation de 3 % dès l'an prochain de la part de la ministre fédérale de la Santé. Et ça, c'est la même chose que le gouvernement Harper. C'est exactement le même taux que le gouvernement Harper. Donc, encore une fois, on voit que le gouvernement libéral, malheureusement, va pas plus loin que son prédécesseur. Et ça soulève pas mal... Pourquoi changer de formule gagnante? Écoute! Les provinces et les territoires, eux, réclament plutôt 6 d'augmentation annuelle. Et là, on est seulement à 3 %. Donc, c'est pour ça que ça soulève la grogne. Et il y a tous les premiers ministres qui veulent le rencontrer, qui ont écrit également à la ministre de la Santé du Canada. Et ça, on prévoit que c'est des chutes de revenus de 1 milliard de dollars en 2017-2018. On s'entend qu'au Québec, là, on en parle souvent de la santé. C'est là où on a eu le plus gros taux d'austérité. Quasiment, là, c'était pas bien, bien beau. Puis là, on veut avoir de l'argent, mais là, Ottawa n'en fournit pas assez. Donc là, ça chicane. Sauf que moi, la question que je me posais, c'est la santé, à la base, c'est de compétences provinciales. À la base. Mais là, le ministère de la Santé, si je me rappelle bien, ça avait été créé après la Deuxième Guerre mondiale au niveau canadien, si je me rappelle bien, là, rapidement comme ça. Puis là, finalement, bon, on attend beaucoup d'Ottawa, puis Ottawa fournit pas. Il y a une question à se poser là-dessus. Okay. Je dis ça comme ça. Mais il y a encore des chicanes, puis je pense qu'on n'est pas fini d'en avoir la chicane là-dessus. Gaétan Barrette qui aime ça chialer là-dessus, puis c'est bien correct, ben, on va le laisser chialer, mais... C'est le personnage, on aime ça. C'est tout qu'un personnage, ouais. Effectivement. T'as pas mal raison. Du côté de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Grosse chicane encore une fois, là. On parle d'intégrité, mais on est rendu habitué avec le gouvernement. Oui, c'est ça, c'est pas grave. Ça se pose tout le temps, ces questions-là. Pour vous mettre en contexte rapidement, c'est l'actuel ministre des Transports, Laurent Lessard, qui est encore dans l'eau chaude. Lui qui aurait donné des montants à un de ses chums. Tu sais, un chum, c'est un chum, là, c'est un peu le même principe. S'est relié à trois dossiers, en fait. Pyrobium Énergie, Inoltech et les chalets du Mont Adstock. Pyrobium. C'est un nom de petit nom accrocheur. Pyrobium Énergie. Ça appartient à Yvon Nadeau, qui est un de ses bons amis et son ex-attaché politique aussi. Mais c'est son ami dans le sens que, tu sais, il est même parrain de son enfant. Ah, wow! T'sais, tu vois le genre, là. C'est plus qu'ami, ça. Et M. Nadeau a reçu 3 millions de dollars pour Pyrobium Énergie. Il y a aussi... il s'occupe En quoi? Tout simplement comme ça, bing bang? 3 millions de dollars en 2015. En argent. En argent. Une subvention. En financement. Oui, de 3 millions de dollars. OK. C'est bon. On lui donne des biscuits en chocolat. Des gratteux. Des gratteux, peut-être, oui. aussi, M. Nadeau qui s'occupe du conseil, qui siège au conseil d'administration d'Inoltech, qui a reçu 5 millions de dollars du gouvernement en 2011. OK. Donc là, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent. Ça s'additionne vite. Ça s'additionne vite. Et aussi, le gouvernement qui a versé une subvention de plus de 1 million de dollars en 2008 à la station de ski du Mont Adstock, dont le même Yvon Nadeau est gestionnaire de la location des chalets du gouvernement. Puis c'est là le problème, ben oui. C'est en voulant dire... Il me semble que c'est louche, boy. C'est comme... Sûrement qu'il aurait dit, genre, j'irais donner même s'il n'a pas été mon ami, mais... Mais c'est ça, en ça reste ton ami. C'est ça. T'sais, puis quand je vous dis, là, c'est l'épouse de M. Nadeau, elle a été employée du ministre Lessard à son bureau de comté. Le ministre est également le parrain du fils du couple. Fait que, tu sais, c'est ça, viens prendre une bière chez nous, puis on va regarder ça. Ben ouais. C'est il est là le problème. C'est l'apparence en fait. De conflit d'intérêts, et exactement. Non pas le conflit d'intérêts qui dérange. Exactement. Voilà. Ouais, mais c'est le fait que c'est ton chum, mais tu sais, tu peux pas faire de passe droit. Mais la question aussi à se poser, c'est est-ce que c'est le seul à faire ça? Ouais. Ben, si c'est le seul, c'est le seul qui va recevoir les subventions aussi. Ah. Mais écoute, ça fait combien d'années qu'on a des problèmes comme ça au Québec? Un chum, c'est un chum. On a entendu ça combien de fois aussi à la commission Charbonneau, un chum, c'est ouais, un chum. C'est ça. Fait que c'est plus là le problème, c'est est-ce que son chum a eu un passe-droit comparé à d'autres industries, à d'autres compagnies? Il est là le problème, c'est là que la question se pose et c'est pour ça que les partis de l'opposition se posent la question et lui pose la question et s'oppose à ça aussi. C'est leur job en tant que parti de l'opposition. Non, c'est ça, exactement. Il faut savoir. Mais ouais, ça ressemble pas mal à ça du côté de l'Assemblée nationale. Et mon dernier sujet, moi, je suis ça constamment depuis 2 semaines. Puis il faut dire que ma fête s'annonce rocambolesque avec cette annonce-là. Oh, vendredi, encore, c'est vendredi 7 octobre. C'est vendredi. On va savoir qui sera à la tête du premier parti de l'opposition, c'est-à-dire du Parti québécois. Je vous rappelle que 4 personnes qui sont en lice. On parle de Jean-François Lisée, d'Alexandre Cloutier, de Martine Ouellette et de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Là-dessus, il y en a 3 qui sont députés présentement. Il y en a un qui n'est pas député, qui est aussi un ancien orphelin politique. Ah, ah. Hier, c'était justement... je ne sais pas si vous avez regardé, tout le monde en parle, justement. Désolé, il était là. C'était intéressant de voir... Les sujets qui sont amenés, on parle beaucoup d'identité, hein, notamment du côté de Jean-François Lisée. C'est comme la question qui lui est posée... à chaque fois qu'on lui parle. C'est incroyable. Et Martine Ouellet, elle qui prône l'indépendance d'abord et avant tout. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui qui veut ramener ça à dire que bon, le PQ, oui, c'est l'indépendance, mais c'est plus que ça. Donc, regardons du plus que ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui m'a quand même étonné parce que c'est pas quelqu'un qu'on connaît sur la scène politique, non, pas du tout. C'est lui l'orphelin politique, tu disais? C'est lui l'orphelin politique. Moi, je l'ai vu aussi en débat avec le chef d'Option nationale, Sol Zanetti. C'est, si je m'en rappelle bien, c'est en août dernier. Qui se débrouille bien, bon, qui est un peu spécial sur les bases, sur sa façon d'emmener les choses, qui détourne des fois le sujet de la façon que c'est amené, mais quand même, tu sais, je veux dire, débat bien, qui est respectueux, mais que des fois passe un peu pour la victime dans tout ça, parce que voilà, vous vous chicanez, mais là, faut arrêter de se chicaner. Ouais, mais c'est ça, la politique, c'est des débats constamment, puis le PQ, c'est reconnu pour débattre, puis c'est correct, les débats, parce que ça fait avancer les idées. Ouais. Du côté aussi d'Alexandre Cloutier, bon, ben il est reconnu pour être comme étant le candidat de l'establishment. Est-ce qu'il l'est, est-ce qu'il l'est pas? Rendu là, bon, on peut pas, on n'a pas un mot à dire, mais il est reconnu comme ça. Jean-François Lisée, c'est le vieux routier. Il est là depuis combien d'années? Je pense que c'est celui qu'on connaît le plus. La course s'annonce serrée parce que autant du côté du clan Cloutier, du clan Lisée et Ouellet, on dit qu'on est en avance. Moi, mais c'est ça, j'ai vu dernièrement. C'est très, très, très, très, très serré quand même. Là, je pense que c'est une 40 000 environ là, de membres au Parti québécois qui vont se prononcer dans les trois prochains jours, en fait 5, 6 et 7 octobre, pour élire leur chef, qui sera aussi le chef de l'opposition, qui sera celui qui va les mener, ben, s'ils ne s'enlèvent pas comme les autres, là, qui ouais, passent pas avant 2018. Point, point, point. Ouais, c'est ça. Il y a eu quoi, trois courses à la chefferie dans les 10 dernières années. Est-ce que maximum. C'est toujours aussi excitant, pareil, même si c'est la troisième fois en 10 ans? Ben, honnêtement, c'est la première fois que je la suis autant. Okay. Pierre-Carl Péladeau, on le savait pas mal que ça allait être lui qui allait être élu. Puis l'autre avant, bon, ben, j'étais pas très vieille, donc j'ai pas vraiment suivi ça. Bon, elle se vante de sa jeunesse. Ah, je suis un bébé, que voulez-vous? Mais cette année, ça a pris du temps avant que ça décolle. Hein. On a vu cet été, c'était un peu plus mollo, il y avait rien, mais là, à partir du mois de septembre, bang, on s'est rentré dedans, puis là, les attaques étaient un peu plus personnelles. C'est un peu moins le fun, mais c'est ça, la politique. Hein. La politique, on expliquait ça justement, c'est à mon chum cette semaine, la semaine passée, on disait, la politique, c'est ça, c'est méchant de même. T'sais, t'es avec moi ou t'es contre moi. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, quasiment en politique. C'est un peu malheureux. C'est un peu malheureux, effectivement, mais t'sais, c'est comme ça qu'à cause de la ligne de parti, c'est sûr que ça fait ça aux États-Unis. Ils n'ont peut-être pas ce problème-là, mais ils ont d'autres problèmes aux États-Unis. Je sais pas si on doit se comparer favorablement ou défavorablement. Oui, exactement. Je suis pas certaine de ça. La démocratie. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux faire, vu que tu tombes une semaine avant le vote et qu'on va se revoir lundi, qui va être après le vote, est-ce que tu veux nous faire une prédiction? Premièrement, ce que toi, tu penses qu'il va arriver. OK. Et si vu que tu as quand même fait quelques petites pointes d'opinion dans ta chronique, quand même, je te demanderais ce que tu aimerais voir. OK. Bon, on va y aller. Moi, je prévois. Ah, j'aime pas ça dire ça. Je m'excuse. Ah, j'aime pas ça. Je crois que ce sera Jean-François Lisée qui sera à la tête du Parti québécois. Le plus connu va probablement gagner, c'est ça. Ça va se décider peut-être en troisième round. OK. Ouais, c'est parce que ça marche avec le vote préférentiel. J'ai l'impression que c'est ça, avoir un peu les gens sur les internets, comme on dit. Ceux qui sont là depuis toujours aussi, tu sais, je veux pas dire les vieux, là, mais tu sais, ceux qui sont là depuis toujours, qui sont avec le Parti québécois, qui appuient beaucoup Jean-François Lisée, quelques jeunes aussi. Mais Alexandre Coutier, il est quand même assez fort à côté, mais il en a perdu un peu dans les dernières semaines. Et moi, ce que j'aimerais, bien évidemment, moi j'aimerais ça voir Martine Ouellet, évidemment, moi qui prends l'indépendance pour régler nos problèmes, c'est ce que j'aimerais. Mais c'est le Parti québécois, il est rempli de surprises, il nous surprendra toujours. Et bye-bye. Ça fait-tu le tour, ça, de l'actualité politique? Ça fait le tour pour aujourd'hui. On va s'en reparler, évidemment, la course lundi prochain. Oui. Bien, lundi, est-ce qu'on est ici quand même? On est quel, l'action de grâce. Action de grâce, Mathieu. Déjà un congé, on vient de commencer. Ouais. Je sais. Je pense qu'on se plaindra pas. Moi, je vais le prendre quand même. C'est ça. Non, on va être en congé, effectivement, mais on verra parce que les chroniques du lundi, des fois, on les déplace ailleurs dans la semaine quand on a congé. On s'en reparlera un autre jour, peut-être la semaine prochaine, j'espère. Si t'as de la place, nous, toujours on en de la place. Voilà. René Deschamps avec sa chronique avec un nom à déterminer. Avec si vous avez des suggestions, allez-y sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Suggérez des noms de chroniques, ce serait le fun. Ouais, mais j'aimerais ça parce que, comme je t'ai dit, je suis pas originale. Toi, tu l'es trop. Ouais. Puis... parfois, oui. Des jeux de mots plates un peu, là, des fois, ça pourrait être inapproprié dans ta chronique. Hein. Bon, ben, bonne semaine. Toi aussi. Amusez-vous bien, soyez pas trop choqués de la politique, c'est beau quand même. Ah, j'essaie. Je fais juste pas regarder ça pendant tout comme ça me fâche pas. Voilà, c'est mais ça. Je suis pas au courant. C'est pas... Exactement. Mais tu sais, est-ce que tu sais pas faire pas mal? Comment c'est ouais. Ça dépend. Si tu t'occupes pas de la politique, va s'occuper de toi. C'est ça. Le grand méchant loup. Merci Valérie Deschamps. Salut, bonne journée. Tout à l'heure, une nouvelle chroniqueuse de l'émission. On l'a déjà, c'est sa première chronique et on l'a fait arriver en retard parce qu'on a commencé en retard. Mais c'est pas grave, Alassania Couillé s'en vient tantôt avec sa chronique sur la science. Mais avant ça, une pièce des Sorboulés, Tania. Oui, on parle d'une nouvelle entrée au palmarès francophone et c'est La moitié de toi qui dort. Assemblage requis. Je sais que tu travailles toujours fort avec ce qui t'a été donné. Tes yeux sont accoutumés au noir. Tu sais nourrir la bouche qui te mord, celle qui t'empêche de parler. Moi, j'essaie de devenir un prendre le contrôle de mon corps pour essayer de nous réparer. Je sais que t'es déjà rendu plus loin que ta mère avant toi, mais l'avenir ne se fait plus rien qu'en regardant derrière soi. J'imagine que tu t'es connu. La vie, je sais que c'était déjà compliqué. Mais moi, maman, ce que j'ai appris, c'est que c'est un peu comme ça qu'on guérit, qu'il n'est jamais trop tard pour essayer. Sœur Boulay, avec La moitié de toi qui dort dans Servelage requis lundi matin. Est-ce que c'est toi la moitié de nous qui dort en ce moment? Probablement. Probablement. Moi, je suis beaucoup trop en forme, comme toujours, ce lundi matin. Je suis en forme, entre autres, parce qu'on a une nouvelle chroniqueuse à l'émission. On n'a pas assez souvent des nouvelles. Des nouvelles personnes à l'émission. Et on est très heureux d'accueillir donc Alassania Couilly. Bonjour à toi. Hey, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Oui, on est pris d'un petit rhume, mais ça va super bien. Ouais, mais... ouais, c'est le temps de l'année où que ça fait ça. Hein? On les températures changent. Ouais, absolument. Ouais. Mais t'as apporté un bon point tantôt, c'est que ça se transmet pas par les ondes FM. Oui, pour le moment. Pour le moment. C'est ce qu'on sait. La technologie avance si vite. Donc, Alassania, on te connaît quand même à l'émission parce que t'es déjà venue nous voir un petit peu pour les élections de la GEQTR. Oui. Poste que tu as eu par la force des choses et d'admettre que tu es présentement dans la GEQTR. Oui. Ça. Ben, en fait, j'étais venue dans le cadre du poste de la présidence, mais oui. J'ai pas été élue après les élections. Puis après l'été, il y avait eu une démission concernant le poste de la vice-présidente de communication. Et puis je m'étais présentée, j'avais eu le poste. Pardon, de félicitations, quand même, c'est merci. Ça. Peu importe le poste, t'es quand même dans la GEQTA. Mais t'es pas ici pour nous parler de la GE, t'es ici pour nous parler de médecine. Tout ce qui entoure la santé, médecine, science, ces trucs-là qui volent autour de ça. Donc je pense que ce serait un bon moment pour présenter la chronique en général. De quel sujet est-ce que tu penses parler à travers la session? Je vais parler d'un peu partout, mais excusez-moi, ça va tousser beaucoup, ça c'est va éternuer. Bien que ce soit une chronique santé-médecine, on va pas donner de... je ne vais pas donner de conseils, je ne vais pas dire aux auditeurs quoi faire, quoi ne pas faire. Tu n'es pas médecin toi-même? Non, je ne suis pas médecin moi-même. Je suis infirmière. Ah, OK. Oui, mais je ne peux pas exercer au Québec parce que je ne fais pas partie de l'Ordre des infirmiers du Québec. Ah, wow! Mais dans ma chronique, ce que je vais essayer de faire, je vais démystifier certains sujets, parler du sujet, l'expliquer biologiquement, l'expliquer scientifiquement. Comme ça, l'auditeur aura assez d'informations et puis il pourra prendre des décisions éclairées. Tu vois comment c'est génial comme résumé, ça? C'est comme si c'était écrit, mais ce n'était pas. Hein? Je sais. Ça vient directement de sa tête. Donc, première chronique cette semaine, de quoi est-ce qu'on va parler spécifiquement? Je vais parler de nous, de l'être humain. Ben, chacun sait comment il va passer sa journée, qu'est-ce qu'il va faire. Soit il va suivre son calendrier à la lettre, ou bien il va juste se laisser guider par ses pas ou par ses pensées. Mais est-ce que vous savez comment votre corps, il passe sa journée? Biologiquement parlant, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain? C'est pas comme un chat, il n'est pas tout le temps en train de dormir. Non. À l'intérieur. Ça dépend à qui, il y en a qui, mais... Le tien en ce moment, là. Ouais, en ce moment, là, il manque des caféines un peu. Ouais. Ben, même si toi, tu dors, ben, ton corps, lui, il ne dort pas biologiquement. D'où m'est venue l'idée, j'avais un professeur, s'il nous écoute, je le salue, il disait « On est tous merveilleux. Il faut que tu te réveilles le matin, que tu regardes dans ton miroir et que tu t'embrasses et que tu te dises « Ah, je suis merveilleux. » Ben, effectivement, oui, nous sommes tous merveilleux, nous sommes des créatures extraordinaires, des machines. Vraiment, si on te parlait de ça, juste comme ça, je vais dire « Ah bon, tout ça se passe dans mon corps. » Eh bien oui. Fait que aujourd'hui, pendant quelques minutes, je vais vous emmener dans une merveilleuse journée, dans une merveilleuse balade pour voir qu'est-ce qui se passe dans votre corps du moment que, quand on ouvre les yeux, jusqu'à ce qu'on les ferme. Entrons tous dans les bus magiques! Oui, ça sent vraiment ça! Eh bien, de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène et une poignée d'autres éléments. Associez-les et ce banal mélange devient 100 000 milliards de cellules microscopiques formant une des merveilleuses créatures de l'univers, eh bien l'être humain. Nous sommes faits de 100 000 milliards et, contrairement à ce que les gens peuvent penser, nous sommes faits de bien plus de bactéries que de cellules. Ah. Oui, nous avons beaucoup de bactéries qu'on appelle des bactéries saprophytes qui font que... qui nous protègent aussi contre les, si on veut vulgariser, les mauvaises bactéries. On a des bactéries au niveau des intestins, des bactéries au niveau de la gorge, au niveau de la bouche. Et ils sont en compétition contre les mauvaises bactéries, puis c'est ça qui nous garde en santé. Mauvaises bactéries comme ce que tu as en ce moment comme rhume. Oui, absolument. Ouais. Oui, malheureusement, mes bactéries ont failli à la défense. Il n'y a pas d'autre chroniqueur après toi sur ce micro-là, ça va rien aller. Est-ce qu'on a du lissa, quelque chose? J'en ai apporté. Ah oui, voilà. Ben, tu vois l'infirmière qui se cache en moi. Exactement. Au rythme de 100 000 clignements d'yeux, 20 000 inspirations et 100 000 pulsations par 24 heures. Bienvenue dans une banale, exceptionnelle journée du corps humain. C'est des chiffres vertigineux, mais ça se passe... C'est vraiment comme ça que ton corps passe sa journée, même si t'as l'air vraiment fatigué. Les mêmes chiffres pour un enfant versus une personne âgée, mettons? Ça change, okay. Mais mettons les clignements d'yeux, ça pourrait pas changer tant que ça, mais les pulsations, ça change. Exact. Plus on est jeune, plus nos pulsations sont plus rapides, et plus on avance dans l'âge, plus les pulsations, le nombre de pulsations cardiaques, oui, diminue. Et gars-filles, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Généralement pas. Pour les pulsations, généralement pas, parce que c'est... on parle de matière d'âge, donc matière d'énergie, matière de métabolisme, puis matière d'activité physique. Plus que... Ouais, ça doit surtout différer à cause de ça. Ouais. Oui. Bon, vous vous réveillez, vous appréhendez le monde qui vous entoure par vos sens. La peau, cette armure qui est tout aussi la porte d'entrée de la douleur et du plaisir. Ouais. Oui. Ben, il vous permet de régler la température de votre douche le matin pour ne pas vous brûler grâce à vos nombreuses terminaisons nerveuses qui la parsèment. C'est une armure qui se renouvelle continuellement puisque vous perdez 600 000 particules à l'heure. Hein? Hein? Absolument. Ça se renouvelle des tout le temps. Des minuscules particules. Des minuscules particules, wow. Bien sûr, qu'on ne peut pas voir à l'œil humain. C'est pour ça qu'on dit, si on travaille dans un bloc opératoire, mm-hmm. puis qu'on n'est pas en train d'opérer ou qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui est nécessaire, il faut se tenir au côté du mur puis ne faire le moins de gestes possible. Parce qu'à chaque fois que tu gesticules, tu perds des particules. C'est ça, tu envoies des particules. C'est comme prendre un jus d'orange extra pulpe. Exactement. Ton air est extra pulpe. Tu as tout compris. C'est exactement la même métaphore, Mathieu. Ben, une fois frais, vous nourrissez votre corps. Il faut que ce que vous mangez vous plaise. Vous n'allez pas manger des choses que vous n'aimez pas. En étant enfant, même si on n'aime pas, on est obligé de manger ça. Des légumes, hein? Ouais, c'est ça. Des choux de Bruxelles. Et des brocolis. Ah, oh, bien, c'est bon. Chacun ses goûts. Ben, il faut que vous mangez quelque chose qui vous plaise. Pour cela, vous faites appel à votre nez qui est capable de distinguer 10 000 odeurs différentes qui ont le pouvoir soit de vous apaiser, de vous mettre en garde ou de vous faire saliver. Savez-vous que la mémoire olfactive est l'une des mémoires les plus ancrées que même les gens qui ont un Alzheimer profond? Cette mémoire-là, elle n'est pas touchée. Ah, on ouais. dit que peut-être c'est parce que ça fait partie de notre cerveau primitif que c'est pas touché, mais on n'a pas d'explication exacte à 100% jusqu'à maintenant. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'une personne qui a l'Alzheimer, puis à qui on donne, mettons, une orange, puis qu'elle la sent ou elle sent... Elle va sentir une orange ou elle va sentir de la lime. On ne sait pas pourquoi. Ce que j'imagine, c'est si tu me dis que l'odeur reste, mettons que la femme qui a l'Alzheimer sent son mari, mais elle ne se rappelle pas que c'est son mari. Elle se rappelle de l'odeur, mais elle ne se rappelle pas que c'est son mari. Absolument. Peut-être. Tu peux ne pas faire les associations. Oui. Là, on parle d'autres choses, d'autres mécanismes dans le cerveau. Mais l'odeur, tu peux, reconnaître. Oui, ouais. Tu peux reconnaître l'odeur. Et c'est aussi merveilleux parce que des fois, t'es en train de marcher dans une rue, tu sens une odeur, un pain d'épices ou des quoi, et puis ça te ramène vers la période de ta grand-mère ou vers un... Ça peut être le 10 ans, 20 ans. C'est ça, absolument. Ouais. Et puis, ça se passe tellement rapidement que c'est vraiment merveilleux. Magique. Absolument. Le nez et la langue collaborent ainsi pour vous faire apprécier vos repas. Il suffit du bon composé associé au bon récepteur pour qu'un courant passe et le corps peut sentir et savourer. Maintenant que vous êtes rassasié et pomponné, vous êtes prêt à affronter ce monde qui vous attend. Avec des yeux qui perçoivent en millième de seconde et des oreilles qui entendent à 1200 km/h. Wow! Absolument, vous êtes doté de radars qui permettent à votre encéphale, alias le cerveau, d'analyser continuellement ce qui vous entoure. Tel un aiguilleur zélé, il vous dirige vers des chemins sécuritaires, coordonnant vos gestes et faisant obéir vos muscles. Donc, on a à peu près 600 muscles au total. Est-ce que vous savez, mettons juste pour dire allô, ça fait travailler combien de muscles faciaux? Oh mon Dieu! Ça doit en faire travailler comme une quarantaine. OK, je vais y aller plus conservateur, mettons une trentaine. Non, vous êtes vraiment loin du compte. Bon. Ah ouais. c'est les muscles, ce fameux tissu qui rend possible tous nos gestes. Au nombre de 600, on a 600 muscles, ils actionnent le moindre de nos mouvements. Un simple allô fait travailler 100 muscles. Oh mon Dieu, on était loin. Ouais. Un baiser décent, si vous embrassez quelqu'un, ça vous prend 34 muscles. Et la moindre marche fait intervenir pas moins de 200 muscles squelettiques. Donc, je retiens que d'embrasser quelqu'un prend moins de muscles que de dire allô. Finalement, t'es mieux de dire salut tout le temps pour te renforcer que d'embrasser quelqu'un. Ou si t'es paresseux, embrasse tout le monde. Après. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Ah ouais, il faut être sûr que les gens que vous allez embrasser n'ont pas de bactéries qui vont vaincre vos bactéries. Oh boy, oui, j'avoue. C'est vrai. J'avoue. Continue de t'hydrater comme ça. Lorsque vous marchez, les muscles postérieurs ne vous font pas tomber en arrière. Et les muscles abdominaux vous évitent de tomber en avant. Fait que vous êtes vraiment en parfait équilibre entre votre postérieur et votre antérieur. Je n'assume pas mon talent de gaffeur. Tout ça aidé par la charpente du corps qui sont les os. Ils sont assez solides pour supporter le poids du corps, mais assez légers pour défier la gravité. Son nombre de 206, ça peut varier entre 200 et 206. Comme les muscles, tantôt j'avais dit 600. Il y a des muscles que certains n'ont pas. On appelle ça des fois des... J'oublie le mot scientifique, mais on a certains organes que parfois certains l'ont et certains ne l'ont pas parce qu'au fil du développement, au fil de l'évolution, on a perdu ces organes ne sont pas... Je dis organes, mais on s'entend qu'on parle soit d'un petit muscle ou d'un petit os qui sont pas qui n'ont pas de fonction dans la vie de tous les jours. On a tous croisé quelqu'un, ça peut être, mettons, dans la rue, quelqu'un qui marche, mais qui peut pas, qui arrive pas à plier au talon, entre le pied et la jambe, ou quelqu'un qui a les mains par en avant, genre. C'est vrai. À moins que tu sois dans un film de science-fiction ou d'horreur, tu risques pas de croiser ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, il sent, on est à peu près 7 milliards sur cette belle bleue. Et pourtant, on peut pas trouver deux personnes qui ont le même squelette. Fait que le squelette, c'est une des autres empreintes personnelles. Chaque squelette est vraiment identique. Les os sont en quelque sorte notre signature. Mais pour se mouvoir, le corps a bien besoin d'énergie. Puis pour l'énergie, qui dit énergie dit oxygène. L'oxygène est l'élément clé qui rend le carburant fonctionnel, notre carburant étant le sucre. À chaque inhalation, chaque respiration, on aspire environ 1 demi-litre d'air qui s'en va vers 300 000 millions d'alvéoles dans chacun des poumons, avant de passer dans le sang pour alimenter chacune de nos cellules. Donc, 4 litres de sang voyagent dans un réseau de 100 000 km d'artères. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a une différence dans mes chiffres entre les hommes et les femmes? Ben, dans le taux de sang qu'on a dans le corps, il peut y avoir des différences entre l'homme et la femme. La femme étant 4 litres, l'homme, ça peut varier entre 4 litres et demi jusqu'à 5 litres. Ça va par rapport à la taille, j'imagine aussi. Moyenne d'une femme versus un homme. Moyennement, oui, okay. Moyennement, mais il peut pas y avoir tant de différence que ça. Quelques millilitres, mais, okay. Mais vraiment, c'est ici, côté litres de sang, c'est vraiment le sexe qui fait la différence. Les chromosomes. Entre autres. Oui. 4 litres de sang, donc, voyagent dans un réseau de 100 000 km d'artères, les veines et des capillaires, soit plus de 2 fois le pourtour de la Terre. Et ce, 2 fois par minute. C'est pour ça que j'ai dit, comme, même si toi, tu as l'air fatigué, fait que dans ton corps, ton sang, il a fait 2 fois le tour de la Terre. T'es encore plus épuisé. Finalement, un matin. C'est ça. Ça fait ton exercice pour la journée. Absolument. Si on dit, t'as l'air endormi. Non, je suis pas endormi. Mon sang, il a fait le tour du monde 2 fois en une minute. Une chance qu'il n'y a pas de construction en ton corps, sinon ce serait encore plus long. T'imagines? L'attente. Il n'y a pas de trafic. Ouais, trafic. Donc, je disais 4 litres de sang voyagent dans un réseau de 100 000 km d'artères, de veines et de capillaires, soit plus de 2 fois le pourtour de la Terre, et ce, 2 fois par minute. Chaque globule rouge contient 250 000 hémoglobines. Là, je m'explique. Les globules rouges, on sait tous que ça transporte l'oxygène, mais ils ont besoin d'hémoglobine. C'est la molécule qui est collée sur ta globule rouge qui va coller l'oxygène pour le transporter. Et chaque globule rouge, il contient 250 000 hémoglobines. Le transporteur qui est le transporteur d'oxygène. Chaque hémoglobine, il fixe 4 atomes d'oxygène. Je sais, là, je donne beaucoup de chiffres, mais c'est vraiment voulu juste pour nous faire réaliser la splendeur et la grandeur de cette machinerie humaine. Donc, chaque hémoglobine, il fixe 4 atomes d'oxygène. Ce qui fait, avec un petit calcul mathématique, ce qui fait que votre sang nourrit les cellules à raison d'un million d'atomes d'oxygène par globule rouge, par inspiration. Mmh. C'est vraiment un petit chiffre. Comptez à chaque fois que vous inspirez, expirez, expirez le nombre à chaque fois. C'est un apport à vertigineux en chiffres, mais encore plus extraordinaire en physiologie. Le cœur, c'est le seul organe qui a la possibilité de faire contracter toutes ses cellules en même temps, pour que la pompe paraisse comme une seule cellule géante. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos d'un cœur qui se contracte, on dirait. C'est comme si... si tu ouvres et tu fermes la poignée, le poignet de ta main. Le poignet de ta main. Le poignet de ta main. C'est comme si tu l'ouvres et tu le fermes en même temps. Mais le cœur, c'est un organe qui contient des milliers, des millions de cellules. Fait que c'est le seul organe qui est capable de se contracter en même temps, que toutes ces cellules soient synchronisées, ce qu'on appelle le syncytium fonctionnel, pour que le tout fonctionne en même temps. Il suffit qu'une cellule ne suive pas le rythme, et là, tu as le cœur qui est en défibrillation. Puis là, on peut parler de crise cardiaque. cardiaque. Pareil comme une guirlande de Noël. Pareil. S'il y a une lumière qui marche plus, tout le kit lâche. C'est même, ça fonctionne. Pareil comme une guirlande. Pareil. Faut rendre ça vraiment stupide pour moi pour que je comprenne. La puissance emmagasinée dans tous les battements du cœur d'une journée pourrait soulever une voiture à un mètre du sol. Oui, absolument. Et votre corps poursuit sa journée sous l'aiguille de son chef d'orchestre, qui est le système nerveux. Avec ses nerfs qui parcourent 70 km, le système nerveux couvre le corps de la tête aux pieds. C'est un système qui ne dort jamais, qui oriente, qui préserve, donne des ordres, toujours sur la brèche pour scruter la moindre partie de notre être. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, surtout dans des films de science-fiction, dans des fois dans certains articles, on dit on utilise juste 10% de notre patrimoine cérébral. Ouais. Puis imaginez si on pouvait utiliser les 90 qui restent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, c'est pas vrai. La science n'a jamais prouvé qu'on utilisait juste les 10%. On utilise toutes nos fonctions cérébrales. Des fois, il y a des cellules qui fonctionnent, puis d'autres qui ne fonctionnent pas. C'est pas parce qu'elles ne sont pas fonctionnelles, mais c'est parce que c'est comme des cellules relais. Il y a aussi ce qui est vraiment magnifique dans le cerveau, et puis là, on le sent. La science n'est pas encore parvenue à l'expliquer. Des fois, il y a des cellules qui meurent, mettons dans le cas des gens qui font un AVC, un accident vasculaire cérébral, et qui recouvrent certaines fonctions. Intuitivement, il y a des cellules qui reprennent, laissent les fonctions des cellules qui ont été endommagées ou qui ne fonctionnent plus. On ne sait pas comment ça marche. Pourquoi, si c'est, on dirait qu'elles sont dotées d'une sorte de propre intelligence qui leur dit « OK, c'est le moment de reprendre le travail. » Des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Mais toujours est-il, c'est faux. Vous n'utilisez pas juste 10% de vos capacités cérébrales. Vous utilisez le 100% de vos capacités. Mais il y en a qui s'en servent mieux que d'autres. Ben, il y en a qui ont entraîné leur capacité C'est pas un muscle, mais on peut... Le cerveau? C'est ça? Oui, le cerveau n'est pas un muscle. C'est pas un muscle. Oui, mais c'est le même principe qu'un muscle. On peut l'entraîner. Oui, on peut l'entraîner. On est tous intelligents, on a tous des capacités. Ça, le fait qu'il y en a qui l'utilisent ou d'autres qui ne l'utilisent pas, il y en a qui entraînent leurs capacités et il y en a qui ne les entraînent pas. Et il y en a qui prennent la drogue, qui détruisent les cellules. Absolument ça, oui. Bien que le cerveau soit couvert par une couche qui le protège que ce soit des bactéries, des virus, mais les drogues et l'alcool, ils peuvent traverser cette couche-là et puis c'est pour ça qu'ils détruisent les neurones. Mm-hmm. Encore plus triste, certaines drogues naturelles, elles traversent cette couche mettant avec une vitesse normale, mais les drogues synthétiques qui sont encore plus dangereuses, elle traverse cette couche vraiment d'une manière vertigineuse, beaucoup plus que les drogues naturelles, ce qui fait que les drogues synthétiques sont, comme je dirais, ça c'est un chiffre personnel, 10 fois plus dangereuses que des drogues naturelles. Eh bien, sachez-le, tu sais. Hein? Non seulement on parle de science, de médecine et de santé, mais en plus on vous donne des messages importants par rapport de drogue. Là, on parlait de la merveilleuse machinerie qui est le système nerveux. Avec ses milliards de neurones, le cerveau nous permet, comme je disais, de sentir, de vouloir, de se souvenir, tout en restant une barrière infranchissable en complexité. À la fin de votre journée, votre vigie, qui est votre cerveau, votre pampe, qui est le cœur, vos radars, votre barrière concordent pour vous récompenser d'une bonne nuit de sommeil, alors que eux, ils restent bien en éveil pour vous faire revivre une autre banale, exceptionnelle randonnée le lendemain. Qu'est-ce qui se passe quand vous dormez? Ça, c'est une autre histoire. Oh, on en parlera une autre fois. Donc, de sa surface, vous l'aurez bien compris, de sa surface à son noyau, le corps humain est une merveille en complexité depuis plus de 100 000 ans. Une mosaïque extrêmement enchevêtrée qu'une perturbation infinitésimale peut faire basculer à tout moment. Alors, comme les biologistes aiment nous appeler, soit homo sapiens, diploïde, eucaryote, humain, quel que soit le nom que tu aimes te donner avant de te plaindre de la monotonie de tes journées, avant de laisser le quotidien t'éreinter, pense à l'immense usine que tu es. Médite sur la machinerie effrénée que tu représentes, élève haut la tête, chemine dans ce monde qui est tien, car tu es une créature exceptionnelle. Ah! C'est vrai quand même. C'est très bien dit. T'es bon, t'es hot, t'es cool, t'es capable. Absolument, c'est merveilleux. Merveilleux. C'est ça. C'est bien dit. Ah, Seigneur, c'était parfait comme chronique, ça. On a une introduction vraiment parfaite, une première partie qui valait la peine d'être entendue. Et là, les semaines suivantes, on va pouvoir approfondir d'autres sujets externes à ça, rattachés à ça. Absolument. Je me disais parfait. Que puisque c'est une chronique qui va parler de l'être humain, qui va parler de la santé, quoi de mieux de commencer avec la présentation du l'être humain? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comme ça, tu comprendras mieux comment la nourriture fonctionne, comment les drogues fonctionnent, comment les médicaments fonctionnent, etc. Tant de sujets à approfondir dans les prochaines semaines dans le bus magique de la Seigneur. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à vous de m'accueillir. Prends soin de toi, bois en masse. C'est pas des sushis qu'il y a dans sa bouteille d'eau, même si ça ressemble à des algues. Apparemment que c'est des kiwis, mais la couleur rouge vient de faire... des limes, Mathieu, des limes. Moi, je trouve que c'est des sushis. Et des concombres. Et des concombres. C'est bon, ça, par contre, dans une bouteille d'eau. Je sais pas où Mathieu a pris ses sushis, honnêtement. Arrête mais donc, bon, peut-être qu'il a envie de sushis. Tu sais, ça le cerveau nous envoie des c'est messages. Ça. Peut-être que. Subliminal. À la Sania Akoui. Merci encore une fois. Merci. Et à la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, on va trouver une case horaire là, parce que lundi, c'est. Oui, c'est congé. Action de grâce, là, fête de je sais pas quoi. Action de grâce, voilà. Bon. Bref, on s'en reparlera. Nous, pour l'instant, on prend une petite pause publicitaire parce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas pris. On se retrouve après avec, entre autres, ta chronique à toi, Tania et son foutu palmarès. D'ici la fin de l'émission, restez. Aujourd'hui. Vous êtes à Cifou? 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cifou? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage Wiki pour toi, aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage Wiki en ce lundi 3 octobre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh, le réveil vient de se faire, je pense. Hein? Non, pas tant. Non, tu fais semblant. Exactement. Tu fais de poseur. Je sais. Dans quelques minutes, tu vas essayer de nous faire ta chronique, Tania's Galantia Tania, si tout fonctionne comme prévu. Oui. Mais avant ça, une petite pièce de Andy Schauf. Tantôt, on a parlé du corps qui était donc magique avec Alassane Yann. Voici The Magician. Ouh. À son âge. Just a shaking. Schauf avec la pièce The Magician. Ce lundi matin, Assemblage requis. Et maintenant, tiens, allons-y avec une chronique qui va vous lever pas mal du bon pied, là, même si elle s'est vraiment pas levée du tout. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain you! Et la misère à Madrien. Ouais, hein, c'était pas. Je sais pas ça, Anna. Non! And she's gonna entertain you! Tania Baudin! Oui! Salut! Ça va bien? T'es en forme ce matin, hein? Ouais, en grande forme! Oui! En forme de rayé! Est-ce que tu tires en ce moment même? Est-ce que tu vas réussir à nous faire une chronique, à nous pondre ça comme ben oui, une ne poule vous inquiétez sur un pas. C'est justement la raison du pourquoi je suis si fatiguée ce matin. Ah oui! C'est parce qu'hier, j'ai décidé d'écouter quelque chose qui m'a mené très tard. Tu l'as commencé un peu tard, peut-être. Parce qu'en fait, j'ai fait deux choses en même temps. Okay. Et comme je voulais toute mon attention pour me préparer à ma chronique, bien, je faisais souvent une pause. Ah oui, OK. Pour pouvoir aller sur le cellulaire, iPad, répondre à quelqu'un, faire quelque chose, ouais. Donc, malheureusement, ça m'a mené quand même aux petites heures du matin pour finir le documentaire duquel je veux vous parler ce matin. Un documentaire d'une heure et quart qui a fini par en durer 4 heures. 2h40, exactement. Boy. Ouais. C'était du stock, bon. Comme ils disent. C'était quoi ce fameux documentaire? Bien, en fait, ce matin, je vais vous parler de... Je sais pas, Mathieu, si tu connais, mais John Bennett Ramsey. Oui, c'est la petite top modèle... Exactement. Qui s'est fait tuer, là, quelque chose de genre. Oui, aux alentours de 1996. Oui. Aux États-Unis, là, pas ici, au Canada, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le cas. Mais par contre, dernièrement, Global, la chaîne de télévision, a décidé de faire un documentaire qui allait reprendre le cas de A à Z parce que c'est un cas qui avait été malheureusement clos et non élucidé depuis 20 ans maintenant. Donc, on a décidé de reprendre ce cas-là avec des anciens agents du FBI, des gens qui avaient travaillé sur le cas dans les années 96... Dans les années 96, hein? Je sais que je vais te reprendre si tu dis ça. Je sais. Ah, les années 96. Des années 90. Donc, on a travaillé vraiment avec les gens qui étaient là, mais qui avaient quand même peut-être un manque de connaissances à ce moment-là. Parce qu'il faut dire, la technologie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Donc, si vous n'avez pas nécessairement regardé le documentaire, il y a des choses que je vais quand même pouvoir vous expliquer. Et sachez que le documentaire est en anglais. Probablement que ça va sortir en français parce que c'est une histoire qui a été connue ici aussi. Mais pour le moment, c'est tout frais. Là. Ça l'a sorti simplement quelques... Je pense que c'est la semaine dernière que ça l'a sorti. Donc, de ce côté-là, c'est seulement en anglais. Mais si vous êtes du genre à vouloir vous taper un bon documentaire, tapez-vous ce documentaire parce que c'est quand même très, très intéressant. Est-ce que c'est une série de plusieurs épisodes ou c'est un seul... C'est deux épisodes, exactement. Ouais. Ça l'a joué sur deux soirs de suite à Global. Donc, la première partie qui dure approximativement 1h25 et la deuxième partie qui est approximativement le même temps. Donc, ça vous fait quasiment un 3 heures de documentaire. Mais comme je l'ai dit, ça vaut quand même la peine parce qu'on arrive à une théorie dont je vais vous parler tout à l'heure. Je vais pas vous voler de punch, ne vous inquiétez pas. Mais on arrive à une théorie qui pourrait être très, très, très plausible qu'on n'aurait peut-être pas eu la chance d'avoir il y a 20 ans à cause de la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc, qui était John Bennett Ramsey? Ben, tu l'as dit, Mathieu, c'était une petite mannequin, une petite participante de concours de beauté aux États-Unis. On appelle ça une pageant. Ouais, ouais, tu sais, des petites filles avec de la vaseline sur les lèvres, là, puis qui doivent sourire en tout temps, mais qui ont. C'est comme le regard vide, là. Exactement. Bien, elle est née le 6 août 1990 à Atlanta, en Géorgie, mais elle est décédée le 25 décembre 1996. C'est pourquoi ça l'a fait tant jaser aussi. C'est que c'est arrivé dans un creux de nouvelles, hein? C'était ouais. le temps des fêtes et c'était il y a quelques temps après l'affaire O.J. Simpson et on n'avait plus nécessairement beaucoup de nouvelles à ce moment-là, donc quand ça s'est arrivé, bon, c'est vraiment, tous les médias se sont lancés à ce moment-là sur le cas de John Bennett Ramsey. Et c'est drôle que tu parles de O.J. Simpson parce que c'était la renaissance du cas de O.J. Simpson et c'est ce qui a mené à cette série-là, qui en passant va être une série avec plusieurs autres sujets. Ça s'appelle The Case of 2 points. Donc là, c'est elle, mais ça va être d'autres cas plus tard dans d'autres documentaires. J'ai bien hâte de voir ça. Bien, comme on le disait, c'est une petite fille américaine qui a été découverte malheureusement assassinée dans la cave de la maison de ses parents à Boulder, au Colorado. Donc, elle est née à Atlanta, mais elle est décédée à Boulder, au Colorado, presque 8 heures après que sa disparition ait été signalée. Donc, légère petite biographie, parce qu'on s'entend, elle avait simplement 6 ans à ce moment-là. Donc, âgée de 6 ans et 4 mois, la petite fille avait été battue, étranglée et, selon les dires, avait subi des violences sexuelles à ce moment-là, en 1996. Donc, c'est survenu quand même dans une petite ville tranquille, le jour de Noël. Ça a vraiment provoqué une émotion qui a fait des circonstances et de la personnalité de la victime et de la famille, surtout une grande affaire médiatique. C'est devenu vraiment très, très, très médiatisé à cause, justement, que c'était en premier lieu une mini-miss. Et qu'elle avait remporté plusieurs concours de beauté d'enfants. Entre autres, elle avait gagné, je pense, c'est comme 6 ou 7 concours. À 6 ans. Mais après ça, ça n'a jamais changé. Les cas de jeunes filles blanches, mettons, c'est ce qu'ils font le plus parler dans les médias par rapport à la justice, tout ce qui est viol, enlèvement, meurtre. C'est toujours resté. C'est difficile de faire parler des autres cas qui ne sont pas de jeunes filles blanches. C'est vrai, tout à fait. Ouais. Et c'est une des choses aussi que l'on voit dans le documentaire, si jamais ça vous intéresse, c'est que malheureusement, avec la technologie d'aujourd'hui, on a réussi à voir que les dites violences sexuelles en 1996 étaient absolument rien. Ah, OK. Donc, elle n'a pas subi d'agression sexuelle ou quoi que ce soit. C'était simplement un test d'ADN qui avait été mal produit ou mal interprété à ce moment-là. Parce qu'on avait simplement 4... C'est quand même long à expliquer, mais on avait 4 critères d'ADN dans le temps. Aujourd'hui, on en a 16, donc on peut pousser les analyses d'ADN beaucoup plus loin. Et ce que ça nous a prouvé, c'est que c'était absolument pas un acte de violence sexuelle. Donc ça a blanchi, j'imagine, son père, probablement, de ça, mais pas du reste. Ouais. Le reste du meurtre en l'air, peu importe, il n'y a pas eu d'attouchement sexuel. Attends, il n'y a pas eu de pénétration sexuelle. Oui, exactement. On ne sait pas si, parce que le reste, c'est sûr que les parents touchent aux enfants, il va y avoir de l'ADN pareil. Mais ce qui a fait beaucoup jaser aussi de ce fameux cas-là, c'est qu'au moment où que les parents ont appelé le 911 et tout ça, on disait avoir reçu une note qui demandait une rançon de 118 000 $ parce que M. Bennett, le père, M. Ramsey, qui avait exactement le même nom que sa fille, c'était John Bennett, tout collé, donc J-O-N-B-E-N-E-T. Et son père, son nom, c'est John Bennett Ramsey. Ah, probablement qu'il y en a un qui c'est son deuxième nom, le père, alors que la fille porte comme prénom les deux noms et deuxième nom de son père. Exactement. C'est particulier. Oui, quand même assez. Donc, il avait quand même une bonne compagnie, il avait quand même de l'argent, mais c'était pas quelqu'un qui était autant fortuné que, par exemple, O.J. Simpson. Et ça arrivait dans les mêmes temps. Donc, on se dit, OK, mais pourquoi est-ce que, tu sais, on lui demanderait une rançon à lui quand il n'est pas nécessairement connu ou quoi que ce soit, comme l'affaire O.J. Simpson qui vient de se passer. Et comme je le disais, la note avait été retrouvée dans la maison. C'est les parents qui ont été pendant un temps soupçonnés d'avoir écrit cette note-là. Mais jusqu'à très récemment, avant le documentaire, il n'y avait aucune piste sérieuse qui semblait avoir été découverte par rapport à cette fameuse rançon-là. Et c'est pourquoi on avait aussi dit qu'il y avait eu peut-être violence sexuelle. C'est qu'il y avait une rançon qui parlait de la jeune fille dedans et qui disait que si jamais il arrivait quoi que ce soit, si jamais il n'y avait pas l'argent, la jeune fille allait mourir, puis tout ça. Mais par contre, la jeune fille était dans le sous-sol depuis 8 heures déjà. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose qui a été quand même très, très, très, très discuté. Et l'affaire a fait quand même beaucoup de fois la une parce que, justement, elle est revenue à l'avant-plan en 2006. En premier lieu, en juin 2006, lorsque la mère de John Bennett est décédée des suites d'un cancer ovarien à 49 ans. Et par la suite, en août 2009, lorsque John Marker Carr, un enseignant américain de 41 ans, qui a été arrêté en Thaïlande, a avoué être le meurtrier. Donc, de ce côté-là, on se disait, OK, ben là, on a trouvé le meurtrier de la jeune fille et ça se termine là. Mais selon ses déclarations, car se trouvait seul avec John Bennett au moment de sa mort, mais le décès avait été accidentel. Donc, ses déclarations étaient cependant très, très peu précises. C'est pas très, très clair à ce moment-là non plus, malgré le fait qu'on avait eu de la technologie qui était nouvelle en 2006. Et ça semblait quand même assez difficile de corroborer ce qu'il disait avec les évidences qu'il y avait. Les doutes ont été confirmés lorsqu'on a comparé son ADN avec celui des traces prélevées dans le sous-sol de la maison familiale. Donc, on a retrouvé son ADN où le corps de la victime avait été découvert. Et à la suite de tout ça, eh bien, on a dit que ça avait été lui, mais toutes les charges contre lui ont été abandonnées par les parents. Ouais. Donc, 18 ans après sa mort, l'affaire a encore été un mystère. C'est très récemment, lorsque Global a décidé de faire un documentaire, qu'on est arrivé avec la technologie d'aujourd'hui et qu'on a décidé de faire des analyses peut-être un petit peu plus poussées. On a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait encore, c'est de justement ramener toutes les personnes qui avaient travaillé sur ce cas-là en 1996, de les regrouper dans une salle et de travailler ensemble, ce qui n'avait pas été fait depuis 1996. Il faut comprendre que déjà à la base, en 1996, ça pouvait être différent de la façon que les choses étaient gérées par rapport à une enquête, surtout par rapport à une enquête au moment où que ça avait été déclaré un kidnapping d'enfants. Eh bien là, on avait envoyé le FBI. Par la suite, on a retrouvé le corps, donc c'était plus nécessairement le FBI qui travaillait dessus. Mais selon le cas que c'était devenu, on a gardé les agents du FBI. Il y en a certains qui ont quitté l'affaire. Il y a des policiers qui ont quitté l'affaire aussi parce que c'était trop compliqué. Ils ont des Mulder et Scully là-dedans, puis ça finissait plus. Écoute, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées qui étaient quand même assez étranges. Entre autres, la note qui était extrêmement longue. La note détaillée. Très, très, très détaillée. La note de rançon qui avait pris beaucoup de temps à écrire. Les experts dans le documentaire ont fait le test eux-mêmes de réécrire cette fameuse note-là. Ils étaient 6 autour de la table et ils ont dit tout simplement pour voir qu'est-ce que ça aurait été de l'écrire. On va faire un exercice. On est 6 live là, autour là, de la table. On a toute la note devant nous. On réécrit la note à la vitesse où à laquelle nous, on aurait écrit une note pour une rançon. En y réfléchissant. En y réfléchissant, ouais. Mais aussi en se disant, OK, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps. La jeune, je la ramène avec moi. Tu sais, je veux une rançon, je veux de l'argent. Je dis aux parents que s'ils me donnent pas 118 000 $ qui est très, très, très précis. Ouais, c'est un chiffre pas rond du tout. Exactement. Ouais. Leur fille va mourir. On va tuer leur fille. Ça avait pris exactement aux 6 personnes autour de la table 22 minutes pour écrire la lettre de rançon, ce qui était extrêmement long. Ça, c'est au propre ou bien il y a des petites corrections? Non, il y a des petites corrections. On s'entend. Ils ont réécrit exactement la même note que la note qui avait été trouvée dans la maison à ce moment-là. Donc, c'est de voir aussi cette connaissance-là de tout ce qui avait été apporté après le grand nombre d'années où que rien été fait par rapport au cas, de voir ça dans un documentaire quand même assez bien fait, disons-le, par Global. Et il y avait aussi des dires à un certain moment où que Katy Perry pourrait être John Bennett Ramsey. Ça, la théorie du complot. Exactement. Là. Il y a eu beaucoup de théories, ça l'a fait beaucoup jaser. Il y a eu plusieurs rumeurs comme ça par rapport à John Bennett Ramsey. Mais ce documentaire-là, qui est une série documentaire, comme tu le disais, de Case Off, est vraiment venu peut-être rassurer certaines personnes par rapport à certaines rumeurs qui avaient été dites, ou encore, pour certains, confirmer certaines pensées qu'ils avaient. Comme je le disais tout à l'heure, je veux pas vous voler de punch ou quoi que ce soit. Mais elle reste morte. Oui, c'est ça. Malheureusement, elle n'est pas ressuscitée à la fin. Je pense qu'après 20 ans, c'est correct. On peut quand même le prendre avec un petit grain de rire. Mais le meurtre de 1996, qui avait quand même assez été sordide, disons-le, là, qui était de la petite championne de concours de beauté, ça avait choqué les États-Unis beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'autant plus qu'on n'avait jamais trouvé le coupable, comme je le disais. Mais mille et une théories ont circulé par rapport à ça. Bien évidemment, les parents ont été suspectés. Les voisins ont été suspectés. Son frère a été soupçonné pendant l'enquête. Le gars de Making a Murderer, non. Donc, pour 20 ans, ce cas-là n'a pas été touché, n'a pas été résolu. Et c'est la chaîne CBS qui a commandé une série documentaire de 6 heures qui s'appelle The Case of John Bennett Ramsey. 6 heures, je ne sais pas pourquoi on dit 6 heures, parce que ça dure exactement... Sûrement avec les pubs. probablement, ouais. probablement. Donc, 2 heures de pub. C'est ça. Gâtez-vous. Donc, dans l'esprit de la populaire série Making a Murderer, qui compte faire la première, la lumière une fois pour tous ces assassinats qui n'ont jamais été nécessairement réglés. Donc, les enquêteurs de l'époque et de nouveaux spécialistes, comme je le disais, vont repasser au peigne fin toutes les preuves qu'il y avait eues et toutes les théories qu'il y avait eues aussi. Donc, ça a commencé le 18 septembre. Ça fait vraiment pas longtemps en anglais. J'espère, honnêtement, je me croise les doigts pour que ça soit traduit en français parce que je suis certaine que plusieurs personnes aimeraient écouter ce documentaire-là. Et comme je le disais, la technologie peut nous amener à de nouvelles choses. Entre autres, au moment en 1996 où le meurtre avait été déclaré ou que la rançon avait été demandée, si on regarde ça comme ça, juste du moment où que les parents ont décidé d'appeler le 911, il y avait une certaine technologie qui n'existait pas à ce moment-là, qui était de pouvoir effacer certains sons ambiants autour ouais. d'un appel du 911. Ce qu'on a réussi à faire avec la technologie, oui, avec la technologie d'aujourd'hui dans le documentaire, on peut voir justement qu'on est allé enlever quelques sons ambiants, on a clarifié cet appel 911-là, on est allé voir la personne qui avait répondu au 911, ce qui est quelque chose qui n'est pas nécessairement tout le temps fait par rapport à un crime comme celui-là, mais on a vraiment pu aller chercher des indices par rapport à l'appel 911 qui avait été fait, et c'est de cet appel-là que les nouveaux, disons-le, enquêteurs sont partis pour élucider ce fameux crime-là. Donc, on est vraiment parti comme si c'était le crime de A à Z en 1996. On s'est replongé dans les années 1990. Tania! Non, mais j'ai dit 1990. Okay, okay. Donc, on s'est replongé dans les années 1990 à savoir quelle était la technologie puis tout ça. Donc, on a tout simplement décidé de peaufiner ce qui avait déjà été fait, de reprendre certaines enquêtes, certains sujets qui avaient été pris par exemple, l'autopsie, par exemple, les tests d'ADN, justement, l'arme du crime, qu'est-ce qui avait été utilisé, les questionnements qu'on avait eus lorsque c'est arrivé, qu'on n'a pas nécessairement aujourd'hui à cause de cette fameuse technologie-là. Aujourd'hui, on se dit, ben, c'est évident, tandis qu'en 1996, on se disait, OK, non, c'est ça qui est arrivé par rapport à, je sais pas moi, l'arme du crime, justement. Et ça, c'est vraiment... comment, je sais pas nécessairement comment est-ce que je pourrais dire ça, mais c'est quand même assez intéressant de voir, justement, les anciens agents du FBI travailler là-dessus, entre autres Jim Clementi, qui, lui, est un ancien agent qui est là, travailler avec le docteur en chef qui était enquêteur de l'ADN à ce moment-là, en 1996. On n'accuse absolument pas personne d'avoir faussé des preuves ou quoi que ce soit. On parle vraiment de travailler ensemble pour justement arriver à la fin du documentaire avec une théorie qui semble très, très, très plausible. Ah ouais. J'ai comme le goût de non, le non, non, non, je veux le regarder. Non. Je vais pas le dire. Regarder. Par contre, la seule personne qui a parlé après le visionnement de ce documentaire-là... On peut soupçonner des choses quand les gens participent aux entrevues d'un documentaire. Oui, exactement. Ouais. Donc, la seule personne à avoir participé après à une entrevue après ce documentaire-là, c'est le frère de John Bennett Ramsey. Son père n'a pas nécessairement répondu à certaines questions ou quoi que ce soit. Et on a aussi posé la question aux personnes qui étaient autour de la table durant le documentaire. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce documentaire-là? Pourquoi est-ce que vous vouliez ramener ce cas-là après 20 ans? On le sait, ça n'a pas été élucidé, mais il y en a plein d'autres qui n'ont jamais été élucidés. Et pourquoi celui-là était tant important pour vous? Et il y a un des enquêteurs qui était là en 1996 autour de la table qui a tout simplement dit, parce que je pense qu'après 20 ans, si quelqu'un est soit au courant de quelque chose et qu'il voit ce documentaire-là, quelqu'un va parler. Ouais. Quelqu'un va s'être échappé en 20 ans. Tu peux pas nécessairement vivre 20 ans avec un crime comme ça sur le dos ou avec un cas comme celui-là sans jamais dire quoi que ce soit de suspicieux à quelqu'un autour de toi. Alors, j'espère à un certain point que si quelqu'un écoute ce documentaire-là et qu'il connaît quelqu'un qui est relié peut-être avec le père ou avec le frère ou qui était relié avec la défunte mère, aurait dit quelque chose à un certain moment qui fait en sorte que nos théories seraient bonnes. Et c'est très, très intéressant de voir comment est-ce que ça se termine. Je me demande si CBS était à la table puis on dit genre, ah nous, c'est pour les cotes d'écoute qu'on met ça en ondes. Ça a dû faire fureur, ce documentaire-là. C'est sûr que ça l'a fait fureur. Je pense que ça a été écouté à plus de millions, de vues le premier soir. Juste le premier soir. Ça, c'était sur deux soirs. Oui. Je suis en train de lire que, parce qu'on se demandait pourquoi ça disait 6 heures. Moi, je vois 4 heures sur l'article. Ça dit entre 20h30 et 22h30 le dimanche. Puis après ça, de 21h à 23h le lundi. Donc, ça fait un genre de 4 heures. Peut-être avec les... moins les pubs, ça fait sûrement 3 heures. Fait pourquoi 6 heures? Je sais pas, hein? Question. Peut-être parce que il va y avoir une autre partie, partie 3. Peut-être une partie 3, mais... on n'est pas encore au courant. En tout cas, moi, je sais pas. Oui, je sais même pas. Je sais vraiment pas. The Case of JonBenet Ramsey. Tu l'as dit, diffuseur original CBS, diffuseur canadien Global. Oui. Ça, c'est sur Internet en ce moment, si vous voulez c'est le sur, voir. Écoutez, si sur vous Global, voulez il voir, l'a gratuit. Donc. Sur YouTube, vous pouvez l'écouter gratuit en deux parties. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Donc, allez-y si vous écoutez l'anglais puis si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, j'aime déjà à la base ces fameux documentaires-là où on essaie de justement élucider des crimes ou quoi que ce soit. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez l'écouter. Ça m'intéresse. Et ça, c'est vraiment un documentaire comparé à celle sur O.J. Simpson, American Crime Story, où ça, c'était c'est reconstitution avec des acteurs. C'est pas la même chose. On a quand même fait des reconstitutions dans le documentaire, hein, je tiens à le dire. On a recréé la maison en son entièreté avec les photos qu'on avait, les vidéos qu'on avait du crime en 1996. On a vraiment pris un studio. On a recréé la maison de la famille pour justement voir qu'est-ce qui aurait pu se passer. Ça m'intrigue énormément. Tu m'as piqué, là, dans ce cas-ci. Tu m'as vraiment piqué ma curiosité. The Case of JonBenet Ramsey. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Oui. Une petite pause. Ben oui, pourquoi pas. Et au retour, son foutu palmarès. Oh. OK, oui. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage requis en ce lundi 3 octobre 2016. Tania Bonin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera son foutu palmarès, mais avant ça, c'est le retour de l'Info Campus. Oh. Voici la capsule Info Campus. Vous êtes étudiant à la maîtrise ou au doctorat, de nombreuses bourses vous sont offertes. Pour plus de détails, vous pouvez contacter le décanat aux études au 819-376-5011 ou aller à la section Services aux étudiants de la page de l'UQTR dans la rubrique Bourses universitaires. Faites vite, plusieurs demandes échoient d'ici la mi-octobre. Le 12 octobre 2016, entre 8h et 16h, se tiendra au DigiHub de Shawinigan le colloque Relève et transfert d'entreprise. Le coût d'inscription est de 45$, mais de 20$ pour les étudiants. Pour s'inscrire, il faut aller à événementshawinigan.com. Vous souhaitez améliorer vos aptitudes en communication? Les rencontres oratoires « On s'exprime, on communique » sont pour vous. Les prochains ateliers auront lieu les lundis 17 octobre, 14 novembre et 5 décembre. Pour garantir votre place, il faut aller à la page du Centre d'aide en français de l'UQTR et aller à rencontre oratoire. Pour tous les artistes souhaitant avoir une belle visibilité, il y a la Biennale internationale d'Estampe contemporaine de Trois-Rivières. Pour soumettre votre dossier, vous avez jusqu'au 9 octobre 2016. Le site pour la soumission est bictr.ca/inscription. L'équipe de golf des Patriotes est l'hôte du tournoi provincial qui aura lieu au Kiwitem entre le 2 et 4 octobre prochain. De plus, la saison officielle de hockey commence le 7 octobre contre les Voyageurs à l'Université Laurentienne de Sudbury. En natation, c'est la Coupe universitaire qui aura lieu à l'Université de Sherbrooke le vendredi 7 octobre. C'était la capsule Info Campus. Assemblage requis. C'était l'Info Campus avec le rédacteur en chef du journal Zone Campus, David Perron. On va le retrouver tous les matins ici à Assemblage Requis pour cette chronique-là, cette chronique hebdomadaire, mais qui joue une fois par jour dans Assemblage Requis et ailleurs sur nos ondes. Donc, surveillez ça, c'est les nouvelles du campus, les choses importantes à savoir. J'ai dit tantôt qu'on s'en allait vers Son Foutu Palmarès, ben c'est justement ce qui s'en vient là. Donc, nous voici arrivés à Son Foutu Palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et Tania, tu sais, c'est le début du mois d'octobre. Mm-hmm. On a commencé le mois d'octobre quoi, samedi? Ouais. Ouais, ben c'est ça. Donc, on a plein de fêtes à célébrer pendant ce mois-ci. C'est pas juste l'Halloween. Quoi? C'est pas juste l'Halloween? Non, et c'est pas juste non plus la fête des chats qui s'en vient plus tard dans la liste. Ah, encore? Hey, oui. Ça, là, excusez-moi, là, mais il y a une fête de chats par mois, ça suffit. Je pense que oui. T'as raison. C'est totalement vrai, je sais. Commençons par le 1er octobre, donc ce qu'on a manqué en date de samedi. Et où la fête des hamsters là-dedans? Et où? Hein? Il y en a sûrement une. Il y en a pas. C'est peut-être la journée des rongeurs. Ils ont peut-être tout mis en même temps. Pis, les chats, ils peuvent pas rentrer dans les félins? J'avoue, avec les lions pis les... Ouais. Merci. Donc, 1er octobre, on a manqué ça, Tania, samedi. C'était la journée de faire à manger. Baking day. Tristesse. Baking comme dans les biscuits, des trucs comme ça. Donc, peu importe, on est tous d'accord que c'est bon. Hein? Mm-hmm. Ensuite, le 4 octobre, on n'a pas encore manqué celle-là. C'est la journée. Demain. Oui, la journée nationale des bateaux dans des bouteilles. Ah, oh, ben oui. Ouais, ça existe encore, ça? Tu peux-tu encore acheter ça? Ouais, et la technique est quand même assez compliquée. Donc, allez voir. Ouais, hein? Renseignez-vous sur les bateaux dans une bouteille. C'est quand même complexe. Le 7 octobre, la journée mondiale du smile, du sourire. T'as pas le droit d'avoir une face de bœuf cette journée-là. Ah, non. Le 11 octobre, j'adore ça, pour vrai, juste la photo me met l'eau à la bouche. C'est la journée de l'héritage de la nourriture du Sud-Américain. Oh boy! Donc, vous savez ce que c'est, le Sud-Américain, ça peut être des gaufres avec du poulet. Oui, côte levée. Côte levée. Aile de poulet. Ah! Cajun cooking. C'est ça, du gros steak. Le 11 octobre, ça va être la journée pour ça. J'ai hâte. Ensuite, le 12 octobre, la journée internationale de la toupie. Ah, ben oui. Oui, oui. International Top Spinning Day. Donc, Top Spinning, c'est ça, ces petites toupies là, qu'on fait aller entre ses mains ou entre ses doigts. Et qu'on, oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on n'avait pas Internet. Dans le temps. 15 octobre, la journée nationale de la décoration de gâteaux. Ah, OK. Ajouter peut-être du glaçage ou quelque chose comme ça. Miam, miam, miam. Ensuite, le 15 octobre, c'est la journée qu'on appelle Sweetest Day. Traditionnellement, c'est la journée célébrée dans le Midwest et le Nord-Est des États-Unis. Sweetest Day, c'est un peu comme la Saint-Valentin. Donc, ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est la journée où tu déclares ton amour. 15 octobre. Je sais pas si c'est comme, on dirait l'inverse. Ben, pas l'inverse. C'est comme le demi-anniversaire de la Saint-Valentin, tu sais. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 8 mois. Ah, c'est pas la moitié, c'est plus la moitié. Il reste pas ça au mois d'août. Ça aurait été pas pire, hein? 6 mois de distance de la Saint-Valentin. C'est vrai. Ensuite, le 19 octobre, c'est la journée du hagfish. C'est une sorte de poisson, glissant, coulant, dégueulasse un peu, je pense. C'est pas super cute. Non, pas très joli. Il y a un mot en français pour ça, là, je vous le trouve c'est à l'instant. C'est pas une salamandre? Je crois que non. Une myxine. J'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie. Moi non plus. Une myxine. Bref, c'est une sorte de poisson. Tout gluant. Hein? C'est aussi, en fait, assez génial parce qu'on dit que ça a 4 cœurs. Ça existe depuis des centaines de millions d'années. Mmh. Oui. Et ça peut se nourrir par sa peau. Mais voyons donc. Donc, c'est peut-être pas très beau, mais ça mérite le respect. Hein? Le 20 octobre, c'est la journée où on essaie d'être plus intelligent par rapport à notre cote de crédit. Voilà, donc c'est l'American Bankers Association qui a créé cette fête-là pour éduquer le public sur le crédit. Et si ça te stresse, probablement, donc commémorer ça. Je sais pas si t'as vu, mais il y a un projet de loi qui vient de passer, je pense, comme au courant de la fin de semaine, pour qu'en 2017, tous les élèves au secondaire aient un cours d'économie avant la fin du secondaire. Quelle bonne idée. Je pense qu'on peut pas être contre ça, même si en tant que tel, ça aurait peut-être pu inclure plus de choses que seulement l'économie. Je trouve que ce c'est qu'on vrai, avait parce en tant que... Je pense que, tu sais, je sais pas pour la réforme, mais moi, dans mon année, il y avait un cours d'économie. Ça veut pas nécessairement dire qu'on a compris qu'est-ce que c'était l'économie. L'économie familiale, c'était pas nécessairement un cours d'économie. C'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, simuler une bourse. Tu sais, hein? On n'est pas rendu là. 23 octobre, c'est la journée de la mise en canne. Tu sais, les fruits en canne dans un pot maçon, là. Nicolas Appert, l'inventeur de la préservation de nourriture scellée hermétiquement et le père des mises en canne, donc, est né à peu près à ce moment-là, en 1750, et cette journée-là célèbre tout ce qui vient en petits pots. Un petit pot. Un petit pot. Voilà. 28 octobre, le Frankenstein Friday. Oh, OK. On fait ça annuellement le dernier vendredi du mois d'octobre. C'est une fête qui célèbre le monstre de Frankenstein. Son créateur, le docteur Frankenstein, c'est ça? Mm-hmm. C'est ça, oui. Ouais. Il s'appelait de même, moi. Ouais. Et la femme qui a créé tout ça, Mary Shelley. Oui. 30 octobre, la journée des checklists, des listes à cocher. Rien à dire de plus. Ben okay, peut-être faire une liste pour se rappeler de la liste. C'est ça. 30 octobre, la journée de créer une très bonne funéraille. Ou deux très bonnes funérailles. Ça se passe une blague. Ouais. Le mois d'octobre est passé à parler de monstres et d'autres créatures comme ça, mais ce jour-là est pour confronter la peur qu'on a tous, que la plupart des gens ont, à la mortalité. Ben oui. Hein? Donc assurez-vous d'avoir un plan pour après. Hein? Ensuite, le 30 octobre toujours, c'est la soirée, du réfrigérateur hanté. OK. Ouais, donc c'est pas une journée de fête, c'est une soirée de fête, Holy Night au lieu d'un Holiday, où on explore les coins plus sombres, les contenants hermétiques du fond de votre réfrigérateur pour les vider peut-être de ses restes. Le vider de ses restes, bref, c'est ça. Voir si on a des squelettes dans le placard, comme on dit. Oh, ouais. Et la journée du 31 octobre, c'est la journée nationale du knock-knock, donc la journée du toc-toc. C'est évidemment le moment de l'année où on raconte des bonnes ou des mauvaises blagues, que ce soit pour aller chercher des bonbons ou pas. On dit que vous pouvez juste raconter de mauvaises blagues. Knock knock. Pour vrai? Oui. 31 octobre. J'avais jamais su ça. Tu m'en comptes une. C'est quand, c'est le 31 octobre? Ça tombe... Ah, un lundi, ça va être en ondes. Oui, c'est un lundi. On va être en ondes. Mathieu, est-ce qu'on vient déguiser? Yeah boy. continuons notre non, mais place. Festival de la liste, je sais. Moi, j'aime ça, l'Halloween. Ouais, en quoi tu vas déguiser cette année? Je sais pas encore. Je travaille sur mon costume. Là, je sais que l'année passée, t'as passé beaucoup de temps là, à peut-être magasiner un magasin de tissus. Là. Et finalement, l'année passée, je l'ai fait. Ah, à la main, oui. Ça fait quelques années que je fais mes propres costumes. C'était doré, c'était pas Cléopâtre. J'étais Cléopâtre. Cléopâtre. Et voilà. Du premier coup. Wow. Ouais. Shot. Je l'ai conservé si quelqu'un le veut. Pourquoi pas? Absolument. Continuons donc avec 10 fêtes célèbres qu'on peut célébrer en octobre. C'est ce qu'on fait toujours quand on célèbre le mois d'octobre ou le début du mois. Oui. Je dirais qu'on célèbre aussi les anniversaires de figures historiques, dont 6 présidents américains qui sont nés au mois d'octobre, selon mentalfloss.com. Donc, évidemment, on n'aimera pas tout le monde, mais commençons par le premier. Sur le bord, qui est Buster Keaton, né le 4 octobre en 1895. Joseph Frank Buster Keaton était un pionnier de la production cinématographique. C'est un acteur comique dans plusieurs films silencieux des années 1920, mais il a aussi écrit et réalisé plusieurs films. Il a développé plusieurs techniques même de films sur le chemin. Plusieurs sont devenus des standards de l'industrie, comme la scène de la poursuite. Le fait de briser le quatrième mur, ce qu'on appelle des fois faire un ramdam, faire un manolo de sa part. Apparaître en tant que plusieurs personnages dans la même scène, un peu comme Eddie Murphy dans ses films. Donc ça a commencé avec Buster Keaton, qui faisait aussi ses propres cascades, comme en 1928 dans son film Steamboat Bill Jr., où il y avait un mur de 4000 livres qui lui tombe presque dessus. Ça a inspiré la scène dans le Bye Bye il y a quelques années, là, tu vois, qui tombait dans un film silencieux. Il survit dans le film et dans la vraie vie en étant exactement au bon endroit où la fenêtre tombe autour de lui. C'est la technique, c'est vraiment, ça vient de Buster Keaton. Si l'acteur avait été à 2 pouces à gauche ou à droite, il aurait été crapoute. Oui, en effet. En deuxième place, c'est pas une liste dans un ordre, donc en non, deuxième ouais. sur la liste, comme ça, c'est John Lennon. Un petit John Lennon, oui. né le 9 octobre 1940, qui a formé, apparemment, on dit, un band à Liverpool, en Angleterre, quand il avait seulement 15 ans, recrutant un autre adolescent nommé Paul McCartney. Ensuite, ils ont été chercher un garçon de 14 ans nommé George Harrison et un autre collègue de classe pour former The Quarrymen. Et quelques années plus tard, les trois se sont séparés et ils sont partis tout seuls pour faire les Beatles. Ils ont recruté le batteur Ringo Starr. Et puis voilà, ils se sont rendus dans les livres d'histoire. Lennon, qui était aussi un compositeur, poète, auteur et activiste manifestant anti-guerre. Aussi, apparemment, qu'il aimait les chats. Ah! Ouais. Il en a eu au moins 16 à travers les années avant sa mort en 1980. Eleanor Roosevelt. Oui. Qui est née le 11 octobre 1884. Elle était la femme d'un des présidents et la nièce d'un autre, mais Eleanor Roosevelt a laissé une marque sur l'histoire en accomplissant plein de choses. Entre autres, elle était activiste pour l'égalité raciale, oui, et les droits des femmes, ainsi que les réfugiés de guerre et les enfants. Voilà. Mon Dieu, elle aurait aimé ça vivre en 2016. Oui, je pense que oui, c'était était précurseur de tout ça. Donc, Roosevelt a mené donc des efforts de soutien pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a écrit elle écrivait un article mensuel dans un magazine, ainsi qu'une colonne dans un journal, qui était quotidienne. Elle parlait aussi au pays dans des adresses à la radio. Elle a été choisie comme déléguée de l'Assemblée générale des Nations unies, où elle a servi dans la Commission des droits humains. En plus de ça, il a élevé 5 enfants. Un de ses 6 enfants est mort quand il était tout jeune, tout bébé, tout bon ben. Les activités de Roosevelt avaient, entre autres, il y a eu une période où elle était porte-parole pour des produits. Ah, elle n'avait pas d'argent, elle avait pas besoin d'argent, mais l'argent qu'elle faisait sur sa vente de produits allait à des œuvres de bienfaisance, des projets humanitaires. On peut voir d'ailleurs sa première publicité télé pour de la margarine sur assemblagerequis.com. Ensuite, Molly Pitcher. Tu vois le premier nom que je ne connais pas encore. Moi non plus. Molly Pitcher, née le 13 octobre 1754. C'est un nom utilisé pour une femme non identifiée ou possiblement même plusieurs femmes qui ont aidé les soldats pendant la Révolution américaine. Ah, OK. Certains considèrent qu'elle fait plus partie du folklore, donc c'est plus un mythe ou une légende qu'un fait. Donc, on croit que c'était soit Margaret Corbin ou encore Mary Ludwig Hayes qui était née le 13 octobre 1754. Lorsque son mari s'est inscrit dans l'armée continentale, Mary l'a rejoint à Valley Forge, ce qui était comme à cette époque-là. Elle faisait du bénévolat, de la cuisine, elle transportait de l'eau, elle s'occupait des hommes blessés. Le nom Molly Pitcher vient du fait que la femme devait faire des petits voyages, des petits va-et-vient pour remplir un contenant d'eau, pour pouvoir ramener ça aux soldats, pour qu'ils puissent boire, ou encore pour verser sur des canons chauds pour les refroidir. Donc Molly Pitcher, comme dans Molly, est un pichet, tu comprends. Ah, ben oui. Pendant la bataille de Monmouth en juin 1778, la légende dit que Mary a pris le poste de son mari au canon après qu'il se soit écroulé. Elle a continué de tirer le canon jusqu'à ce que les Américains gagnent la bataille et puis elle s'en est sortie sans blessure après qu'un canon ennemi est passé directement entre ses jambes. Hey, OK. À Molly Pitcher. Plus tard, elle a reçu une pension de $40 annuellement de l'État de la Pennsylvanie pour ses services 44 ans après la fin de la guerre. Mais attends, tout à l'heure, on disait qu'on savait pas c'était qui, mais elle a reçu $40 annuellement. Ben, les livres d'histoire sont pas certains de c'est qui Molly Pitcher, mais on sait que la personne a existé, donc c'est pas, okay, ça pourrait être soit Margaret Corbin ou Mary Ludwig Hayes. L'article que je viens de lire là, sur les canons et tout ça, c'était vraiment l'histoire de Mary Ludwig Hayes. Mais on sait pas si en tant que telle, c'est la susmentionnée Molly Pitcher. D'accord. Ensuite, l'acteur Bela Lugosi est né le 20 octobre 1882. C'est un acteur hongrois qu'on se rappelle de lui surtout, mm-hmm, pour son rôle du comte Dracula dans le film de 1931. Mais il a fait ses débuts sur Broadway en 1922. Il parlait à peine un mot d'anglais. Ah, pas vrai? Pour jouer le rôle de Fernando dans la pièce The Red Poppy, Lugosi a rencontré un tuteur et a réussi à mémoriser et à correctement livrer chacune de ses répliques, même s'il ne comprenait pas un seul mot. Hey boy! Il a réussi et donc est devenu une vedette de films d'horreur. Et puis après ça, il a pas aimé, disons qu'il était pas haineux, mais il était fâché quand même d'être ce qu'on appelle typecasté. Donc après avoir joué Dracula, il pouvait juste jouer des rôles de méchants comme ça. Même que lui aussi a éventuellement été enterré dans la cape. Oui, c'est vrai. Du comte Dracula. Ensuite, toujours dans la liste des anniversaires à célébrer pendant le mois d'octobre, Pablo Picasso. Ben oui, est né le 25 octobre 1881. Picasso était un artiste expérimental, surtout connu pour avoir cofondé le mouvement artistique cubiste. Il a exploré plusieurs genres d'art dans sa vie. Il a laissé un catalogue d'œuvres qui montre donc en français je connais pas exactement les noms là, mais le classicisme, le symbolisme, le réalisme et le surréalisme, voilà. Il a aussi aidé à développer l'art du collage. Le nom complet de Picasso était Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de las Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Si. Si. Son nom de famille à la naissance était Ruiz, mais il a pris le nom de jeune fille italienne de sa mère parce qu'il trouvait ça plus intéressant. Picasso. C'est vrai que c'est un beau nom, Picasso. Ben oui. Pablo Ruiz, ça fait juste normal. Ensuite, le 26 octobre 1911, naissait Mahalia Jackson. Qui est-elle? C'est la reine du gospel. Oh! Qui a commencé à chanter alors qu'elle avait que 4 ans au Mount Moriah Baptist Church en Nouvelle-Orléans. Plus tard, à Chicago, elle a chanté avec le Greater Salem Baptist Church Choir. Je mets des « le », mais c'est des « la ». Ainsi que la Johnson Gospel... Ah, là, c'est « les ». Johnson Gospel Singers. Elle a travaillé aussi comme esthéticienne, comme dans une buanderie, là, faire le lavage. Oui. Et fleuriste. Avant que sa carrière en musique décolle en 1947, elle a performé au Carnegie Hall. Elle a fait une tournée de l'Europe. Elle a chanté pour le président John F. Kennedy à son inauguration. Jackson était aussi une activiste pour les droits civiques et a performé à la March on Washington en 1963, juste avant Dr. Martin Luther King, juste avant qu'il donne son légendaire discours « I have a dream ». C'est elle qui a performé à ce moment-là. Ensuite, Teddy Roosevelt, on parlait de président américain, né le 27 octobre 1858. Theodore Roosevelt avait seulement 42 ans quand il est devenu président après l'assassinat du président McKinley. Ça fait de lui le plus jeune président américain. Oui, à 42 ans. Le plus jeune président américain jusqu'à maintenant. Plusieurs années plus tard, il était très malheureux par rapport à son successeur William Howard Taft. Roosevelt l'avait même encouragé dans les élections de 1908. Donc, il a décidé à ce moment-là de se représenter à la course à la chefferie du parti et de la présidence américaine. Lors d'un arrêt dans le Milwaukee, un homme nommé John Schrank a tiré Roosevelt directement dans la poitrine, mais la balle, et ça c'est vraiment intéressant, a été arrêtée par un discours de 50 pages plié dans la poche du candidat. Hein, pas vrai? C'est cool, hein? Roosevelt a été blessé, et ensuite il a décidé de continuer à faire son discours quand même. Il a dit à la foule: « Chers amis, je vous demande d'être aussi silencieux que possible. Je ne sais pas si vous comprenez que je viens d'être tiré, mais ça prend plus que ça pour tuer Bull Moose, c'est son surnom. » Donc Woodrow Wilson, malheureusement, a gagné l'élection plus tard cette année-là, et non pas monsieur Theodore Roosevelt. My God. C'était intense comme histoire. Hein. Vraiment. Ensuite, Sylvia Plath est née le 27 octobre 1932. C'est une poète, Sylvia Plath, qui a gagné un prix Pulitzer posthume, donc après sa mort, pour The Collected Poems. Mais son plus connu livre ou son œuvre la plus connue est son roman semi-autobiographique The Bell Jar, qui a été publié au Royaume-Uni seulement un mois avant sa mort en 1963. Plath a déclaré qu'elle écrivait, ce qu'elle appelait un potboiler. Donc elle a dit dans son journal, je cite: je dois écrire Snake Pit, donc un roman de 1946 sur la santé mentale, sur les maladies mentales, et il y a de plus en plus un marché pour des trucs qui ont rapport avec des hôpitaux de fous. Attends un peu. I am a fool if I don't relive recreate it. Je serais folle si je ne revivais pas et que je ne recréais pas ça. J'imagine que parce qu'elle était elle-même, elle a peut-être passé un séjour elle-même dans un hôpital comme probablement. Ça. Probablement. J'imagine que c'est ce que ça veut dire. Donc, The Bell Jar contenait des personnages basés sur de vraies personnes et des détails qui faisaient donc, qui reflétaient un petit peu la vraie vie de Plath. Comme, ouais, ben c'est ça, ça dit plus tard l'article, hein, c'est comme lis l'article, tu vas le voir. Hein. Donc, comme la protagoniste qui passait elle-même un petit peu de temps dans un hôpital avec, pour les problèmes mentaux. Donc à la fin, l'auteur, ce qui remplace l'auteur, parce qu'on a dit que c'était semi-autobiographique, donc ce qui remplace, ce qui joue le rôle de l'auteur dans le livre, a l'air de s'en remettre à la fin du livre, un traitement similaire en fait qui n'avait pas aidé Plath. Elle a souffert de dépression pendant toute sa vie et elle s'est suicidée à l'âge de 30 ans. Voilà. C'est triste. Très triste. Alors, on a fini par le comprendre, celui-là. J'ai fini. c'était quand même complexe comme façon d'écrire le texte. Continuons avec, en fait, terminons avec Emily Post, qui est née le 27 octobre 1872. Elle est née dans la haute société. Emily Post, née Emily Price, a commencé à écrire après son divorce du banquier Edwin Main Post en 1905. L'étiquette était un des nombreux sujets sur lesquels Post écrivait, mais son livre de 1922, Etiquette in Society, in Business, in Politics and at Home, est devenu un énorme succès. Sa popularité a été attribuée aux immigrants américains et aux gens de la classe travailliste qui chassaient le rêve américain et qui auraient aimé vivre avec la haute société. Donc, qui aspirait à devenir de la haute société. Elle a ensuite écrit une colonne, encore une fois, dans un journal comme l'autre tantôt, sur le décorum pendant plusieurs décennies. Elle a fondé le Emily Post Institute, qui dit au monde comment se comporter encore aujourd'hui. Après tout, son conseil d'origine sur l'étiquette est un petit peu daté. Donc, vous pouvez aller voir un exemple sur assemblagerequis.com. Ensuite, après sa mort... son travail a continué via la plume de la femme de son petit-fils, oui, Elizabeth Post. Lorsque Elizabeth a pris sa retraite, sa belle-fille, c'est ça? Daughter in law, Peggy Post, ainsi que d'autres membres de la famille Post sont devenus les personnes qu'on regardait ou qu'on suivait pour avoir de bonnes manières. Oh! Voilà. Hey, c'était cool, ça. Ben oui. Petite liste d'anniversaires à célébrer et les fêtes les plus bizarres à célébrer. J'ai plein d'autres chroniques pour son palmarès une autre fois. Mais pour l'instant, ce sera tout. Allez voir sur assemblagerequis.com. Maintenant, ben, Colin, je regarde ça et c'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui. Ben oui. C'est mais il y a ça. Une émission qui s'en vient. Absolument, à partir de 9h30, ce sera C'est fou le sexe. C'est fou le sexe. Ça, c'est à 9h30. Ensuite, c'est le retour, la première de la saison de La sortie de secours est à votre gauche avec Sébastien F. Gartin et Lucas Hubert. Ça commence aujourd'hui à 11h. À midi, à rediffusion de Rock Classique. À 20h, en direct Rock de Neurones. C'est la journée d'aujourd'hui sur C'est fou et sur c'estfou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci énormément, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. À présent, j'espère que tu vas dormir un petit peu plus ce soir. Oui, mais là, on va aller prendre du café. Absolument. Et c'est sûr, ça va aider. Une grosse journée aujourd'hui, bien des choses de prévues. Voilà. Ce qui me fait penser absolument pas du tout à la prochaine affaire, peut-être parce que la chose que je vais devoir faire aujourd'hui, c'est de me rendre à la pharmacie pour aller renouveler mes pilules. Voici Blues Pills avec Lady in Gold. Il nous reste un petit 30 secondes avant de partir la pièce. Je dirais que, je vais la partir pas mal là si on veut se rendre à temps pour la prochaine émission. Mais oui. C'est fou le sexe, on l'a dit. Oui. Bonne journée. Bonne journée, bon café. Ah oui. Victoire. Le but est atteint maintenant. C'est ça. À demain. Lady dressed in gold, she is young, she is old, she's the keeper of the soul, she's called death. Takes you in her arms like a child to a mother, she's your sister.